Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses et tout dégénère entre les mains de l'homme. Cette phrase est la première du livre que nous allons lire aujourd'hui, un livre qui, à la question de savoir si une autre école serait souhaitable, répond oui, et à celle de savoir si cette autre école serait possible, répond que là n'est pas la question. Et c'est peut-être la bonne réponse après tout. Ce livre porte un prénom, Émile, et une alternative, Émile ou de l'éducation. Publié par Jean-Jacques Rousseau en 1762, il met en scène le jeune Émile de la naissance à l'âge adulte et les différentes étapes de sa vie qu'une éducation digne de ce nom consiste à respecter. Tout commence donc avec un enfant très jeune, seul, qui ne sait pas encore parler, comme dans la chanson des Kings, Education. In a deep dark jungle. Solitary soul, and he spent his playtime chewing meat from bones. He didn't know how to talk much, he only knew how to groan. Then he lifted up his hands and reached to the sky, let out a yell and no one replied. Frustration and torment tore him inside. Then he fell to the ground and he cried and he cried. But then education saved the day. He learned to speak and communicate. Education saved the day. He thanked God for the friends he made. Bonjour, Nelly. Bonjour Céline Spector. Bonjour. Je suis surprise par ma propre voix. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages sur Rousseau. Le dernier s'intitule « Rousseau et la critique de l'économie politique », publié aux presses universitaires de Bordeaux. Votre amour de Rousseau ne se dément donc pas? En effet, l'œuvre est inépuisable. Et ce n'est pas vous qui allez l'épuiser, malgré les différentes fois où vous êtes venu nous parler de Rousseau. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, alors soyez la bienvenue sur ces chemins de la philosophie. Merci. Alors ce que nous dit cette chanson des Kings Education, c'est qu'un enfant ou un homme qui aurait vécu à l'état sauvage, qui serait malheureux, frustré de ne savoir parler, eh bien l'éducation viendrait lui apporter tout ce dont il a besoin, y compris l'usage de la parole qui le rendrait le plus heureux des hommes. Ce que dit Rousseau n'est pas tout à fait la même chose, c'est l'inspecteur, même s'il a cette fiction d'un enfant qui serait à l'état de nature au tout début de sa vie. Parce que déjà, pour commencer avec ça, Rousseau pense qu'apprendre à parler n'est pas du tout une priorité dans l'éducation. En effet. Alors oui, il faut peut-être dire deux ou trois mots sur l'œuvre, hein, Émile ou de l'éducation, paru en 1762. Alors c'est une œuvre fleuve, hein, extraordinaire, et c'est un genre littéraire un peu nouveau que crée aussi Rousseau, quelque chose qui relève peut-être plus du roman de formation, qui aura tout un avenir ensuite en Allemagne, chez Goethe notamment, mais aussi, disons, plus du roman de formation que du traité d'éducation, même s'il y a une dimension didactique dans l'œuvre de Rousseau. Lui-même le décrira comme les rêveries un peu d'un visionnaire sur l'éducation. En tout cas, il sait bien que son œuvre sera reçue ainsi. Donc, alors, quel est le but de l'ouvrage? C'est avant tout de suivre la croissance physique, motrice, psychologique de l'enfant et d'adapter l'éducation à cette croissance. Donc il y a une façon de vouloir concevoir une éducation selon la nature qui la respecte. D'où, pour répondre à votre question, le fait que l'on n'apprendra pas à l'enfant ni à marcher ni à parler, puisque finalement la croissance psychophysiologique de l'enfant l'y conduira assez naturellement. Mais si c'est la nature qui décide, alors il n'y a pas besoin d'éducation. Ah, non. En effet, il y a besoin d'éducation, Car précisément, pour Rousseau, l'art est indispensable, l'artifice est indispensable, et l'espèce humaine ne veut pas, dit-il, être façonnée à demi. Dès lors que les institutions risquent toujours de dénaturer l'homme, dès lors que l'enfant, Émile, sera voué à vivre en société, il est indispensable que l'art le façonne, et il le façonne au sens fort, c'est-à-dire pas seulement, disons, de loin, mais de près, dans le détail, dans tous les détails de l'éducation, en tout cas d'une certaine forme d'éducation, donc pas apprendre à marcher, pas apprendre à parler, mais apprendre bien des choses dans le registre moral et politique notamment. Parce qu'il faut quand même le dire, dans ces 5 livres qui composent l'Émile, on a tout un, ce qui pourrait paraître comme un programme d'éducation, l'apprentissage de la parole, de la lecture, la rencontre avec les autres et la rencontre avec le sexe opposé ne se font pas avant un âge très avancé. Il faut quand même le garder en tête parce que c'est complètement contre-intuitif par rapport à la conception que nous avons de l'éducation. Absolument. Rousseau sait qu'il est très paradoxal. Disons qu'il a parfaitement conscience de s'opposer aux pratiques ordinaires de son temps, que ce soit l'éducation ou l'instruction dans les collèges ou plus généralement les gouverneurs et précepteurs aristocratiques. Rousseau prend tout cela à contre-pied et son idée, disons, c'est de diffuser ou de développer une éducation qu'il nomme négative, c'est-à-dire une éducation qui évite d'introduire l'erreur et le vice, les préjugés, disons, et les passions négatives, dans une nature qui est originellement bonne. C'est ça le présupposé Rousseau, ce qu'il faut avoir en tête quand on lit ce texte. C'est voilà, d'un côté, pour Rousseau, la nature est bonne et c'est la société qui le corrompt. C'est le principe même. Bon, ça, c'est le principe, je dirais, fondateur de la philosophie de Rousseau, qu'elle soit morale ou politique. Mais disons que, l'effet sur l'éducation est immédiat. Il faut considérer, il faut faire confiance dans les inclinations naturellement droites de l'enfant, mais à tout prix éviter de le corrompre, de le pervertir, en introduisant précocement des idées, des croyances, des opinions qui seraient en quelque sorte dévastatrices. Et donc, il y a tout ce travail pour retarder dans l'éducation, ce qui, aux yeux de Rousseau, est beaucoup trop précoce dans l'éducation habituelle des aristocrates, mais même des bourgeois. Et donc, en ce sens, évidemment, il faut apprendre à lire très tard. L'éducation n'est pas l'instruction. Mais très tard, c'est 12 ans, je crois. Oui, c'est 12 ans à peu près. Et pendant très longtemps, Émile n'aura que Robinson Crusoe dans sa bibliothèque, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais disons que voilà, c'est tout à fait essentiel de ne pas apprendre les choses trop tôt et de former le jugement, plutôt que, évidemment, de faire une tête bien pleine. Alors, en cela, par exemple, Rousseau s'inspire de Montaigne, comme souvent, mais il va plus loin et il conçoit véritablement une éducation selon la nature qui respecte chaque étape du développement et de la croissance psycho-physiologique de l'enfant. Il y en a 3 des étapes, 5 livres, mais à peu près 3 étapes. Il y a d'abord l'état sensitif, ou le moment où le bébé dépend complètement des autres. C'est un moment que Rousseau décrit comme un état presque d'esclavage, parce qu'on peut ne rien faire seul. Et donc il y a ce sentiment même d'injustice qui peut naître dès ce moment-là. C'est pour ça que la première éducation est celle de la nature. Il faut suivre la droiture de la nature, c'est l'expression que vous avez employée. Ensuite, il y a un moment où l'être devient plus actif, on peut commencer à juger des choses, à être éduqué par les choses elles-mêmes et pas simplement par la nature. Et enfin, l'être devient sensible et raisonnable et on verra, j'espère que nous irons jusque-là dans cette émission, c'est l'inspecteur, comment chez Rousseau, le sensible et le raisonnable s'articulent justement, puisque la raison vient d'une forme de sensibilité. On va entendre un texte tout de suite de l'Émile pour qu'on entende un peu la plume de Rousseau à travers la voix de la comédienne. Mais une question quand même que se posent peut-être certains de nos auditeurs qui connaissent certaines choses de Rousseau, au moins ce qu'on en dit. Comment expliquez-vous qu'un homme qui s'est dérobé devant ses fonctions de citoyen, mais aussi de père, c'est-à-dire qui a déposé ses enfants à l'assistance publique, soit si prompt à écrire et à sembler donner des leçons sur le caractère sacré de ses fonctions, notamment sur l'éducation? Alors c'est une question évidemment délicate. Rousseau n'a eu de cesse d'être attaqué, de devoir se défendre sur cette question, et il reconnaît lui-même, dans l'Émile, il y a un passage de l'Émile, il reconnaît lui-même qu'il a en un sens manqué à tous ses devoirs. Il ne se dérobe pas face à ça, mais disons quand il se justifie sur ce sujet, il invoque essentiellement la pauvreté. Il invoque essentiellement la pauvreté qui ne lui aurait pas permis, dit-il, de mener à bien une éducation digne de ce nom. Et de toute façon, il avait, je crois que c'est 5 enfants qu'il déposait à l'assistance publique et dans l'éducation idéale, il n'y en a qu'un. Donc même par cohérence avec lui-même, il pouvait bien montrer que c'était inapplicable. Il aurait pu reproduire, disons, l'éducation de ses enfants un certain nombre de fois, en tout cas pour les garçons, pour les filles, c'est un peu plus compliqué. Oui, ça, on verra ça dans un instant. Voici un extrait du premier livre de l'Émile. Écoutez comment Rousseau présente le projet de ce livre qui n'est pas qu'un projet d'éducation. Avant la vocation des parents, la nature appelle mon élève à la vie humaine. Vivre est le métier que je lui veux apprendre. en sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre. Il sera premièrement homme. Tout ce qu'un homme doit être, il saura l'être au besoin, tout aussi bien que qui que ce soit. Et la fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. Notre véritable étude est celle de la condition humaine. Celui d'entre nous qui sait le mieux supporter les biens et les maux de cette vie est à mon gré le mieux élevé. D'où il suit que la véritable éducation consiste moins en préceptes qu'en exercices. Nous commençons à nous instruire en commençant à vivre. Notre éducation commence avec nous. Notre premier précepteur est notre nourrice. Aussi ce mot « éducation » avait-il chez les anciens un autre sens que nous ne lui donnons plus ? Il signifiait « nourriture ». Ainsi, l'éducation, l'institution, l'instruction sont trois choses aussi différentes dans leur objet que la gouvernante, le précepteur et le maître. Mais ces distinctions sont mal entendues. Et pour être bien conduit, l'enfant ne doit suivre qu'un seul guide. Céline Spector, ce que dit Rousseau dans ce texte, interprété ici par la comédienne Anne Brissier, c'est que son étude, sa véritable étude, est celle de la condition humaine. On y apprend deux choses, à savoir que c'est d'abord une étude, donc pas simplement, disons, une méthode ou un traité, c'est une étude, donc il observe, puis il analyse, de la condition humaine, c'est-à-dire pas simplement de l'enfant, parce qu'une grande thèse de l'Émile est quand même de dire que le problème de l'éducation telle qu'elle a cours au moment où il écrit, mais c'est encore le cas aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que nous ne voyons pas dans l'enfant l'enfant qu'il est. Nous autres adultes projetons sur l'enfant l'adulte que nous sommes, si bien que finalement nous ne pouvons pas bien éduquer un enfant si nous ne savons pas ce qu'est être un enfant. Oui, alors il y a deux aspects. D'une part, la méthode. Et c'est vrai que Rousseau, dans le second discours, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, avait reproché à ses prédécesseurs de projeter l'homme civil sur l'homme de la nature. De la même manière, dans l'Émile, il reproche aux pédagogues de son temps, qui sont très nombreux, de projeter l'adulte sur l'enfant et de ne pas savoir observer tout simplement l'enfant. Et donc la méthode de Rousseau est clairement expérimentale. C'est-à-dire qu'il faut observer, il ne faut surtout pas développer de système. Ce qu'il dit dès la préface, au fond, il s'adresse à une bonne mère, mais il s'adresse à tout lecteur possible, par là même. Il veut suivre la marche de la nature. Et suivre la marche de la nature, ça suppose d'observer, et précisément dans le détail, les différentes phases de développement de l'enfant, lorsqu'il est infance, lorsqu'il est puère, et puis petit à petit jusqu'à l'adolescence. Voir ce qui se transforme physiologiquement en lui, voir comment on peut développer ses facultés qui ne se développent pas toujours spontanément. Le but est clairement énoncé. Celui d'entre nous qui sait le mieux supporter les biens et les maux de cette vie est à mon gré le mieux élevé. C'est là le but de l'éducation. Il faut savoir endurer le mieux possible les coups durs comme les félicités du sort. Oui, alors l'idée de condition humaine est très intéressante. Alors là aussi, il faudrait la replacer dans le sillage de Montaigne. Mais il y a bien chez Rousseau cette idée selon laquelle vivre est le métier que je lui veux apprendre. Autrement dit, c'est l'idée d'une philosophie comme sagesse et comme art de vivre, dans la lignée de la philosophie antique, mais avec l'idée, si vous voulez, que finalement l'enfant et ensuite l'homme adulte sera avant tout exposé à la souffrance. Donc ça, c'est la vision de Rousseau en général. Il faut d'abord apprendre à souffrir, vivre, c'est d'abord souffrir. Et donc, il y a plus de maux que de bonheur dans l'existence. Il faut donc que l'individu soit en quelque sorte armé pour supporter les infortunes du sort. D'autant plus, et c'est l'hypothèse de Rousseau, qu'Émile est postulé orphelin et riche. C'est ça, en ce moment, où sont ses parents. Donc, oui, il n'en a pas. Il est sous la seule garde du gouverneur qui en fait exactement ce qu'il veut. C'est ça qui est important dans l'idée d'éduquer un orphelin. Il est riche, mais Rousseau veut absolument l'éduquer de telle sorte qu'il puisse vivre dans toutes les conditions sociales. Et c'est ça l'articulation entre la condition et les conditions. En réalité, Émile est français. Il vit dans une société d'ordre, a priori, la société d'Ancien Régime, très hiérarchisée. Il est voué à être aristocrate, en théorie. Mais Rousseau nous dit, et il le dira un tout petit peu plus loin, nous vivons un âge de crise et un siècle de révolution. Et en note, Rousseau ajoute que les monarchies, comme la monarchie française, n'ont pas longtemps à durer. Rappelons que le texte est publié en 1762. Oui, donc Rousseau fait figure de prophète ici. Et en effet, la même année que le contrat social. Absolument, et dans cette vision, on pourrait dire qu'il anticipe l'idée que les conditions pourront être renversées et que Émile, quoi qu'il soit né aristocrate, pourrait devenir pauvre. Il doit donc apprendre à survivre, à savoir vivre, y compris si les coups du sort s'acharnent sur lui. Les coups du sort sont ceux qui émanent non pas de la nature, j'imagine, mais de la société, de la vie en commun. Alors, la condition humaine est vulnérable. Et Rousseau insiste beaucoup sur l'idée de vulnérabilité. L'humanité se définit d'abord par sa vulnérabilité, même si cette vulnérabilité, évidemment, varie. Plus on est riche, dit Rousseau, plus on doit, en quelque sorte, se sentir protégé des coups du sort, même si cette protection peut être fragile. Alors, disons que le riche, pour Rousseau, est responsable de son sort, tandis que le pauvre se voit toujours, subi. En quelque sorte, subi et se trouve toujours, disons, n'est pas à l'abri des coups de la fortune. Alors, ce qui est important pour Rousseau, c'est qu'Émile puisse être heureux et libre, vertueux, heureux et libre, dans toutes les conditions, même s'il devient artisan, même s'il doit devenir nomade pour survivre, même s'il est arraché à sa terre. Voilà, il doit pouvoir être heureux, quel que soit finalement son destin. Mais se pose la question de la nature, de l'identité, de l'origine de ce fameux précepteur. Puisque quand je vous pose la question de savoir si tous les maux viennent de la société, même si ce n'est pas forcément le cas, même si la nature elle-même peut nous faire souffrir, par les maladies notamment, ou la mort de proches, de personnes que nous aimons, comment ce précepteur peut-il enseigner tous ces bons préceptes justement à Émile? Comment peut-il faire en sorte que celui-ci soit le mieux armé possible pour faire face à tous les maux de l'existence, si lui-même, tout précepteur qu'il est le fruit de cette société? Il faut bien, c'est la question de l'œuf et de la poule. Comment le précepteur lui-même, qui n'a pas été éduqué par quelqu'un comme lui, va pouvoir tout transmettre à Émile? Alors, bon, là, c'est le cercle de l'origine. Et Kant, qui est un très grand lecteur de Rousseau, verra exactement ce que Rousseau veut dire par là. C'est un très grand lecteur de l'Émile en particulier, Kant. Et donc, la question, c'est de savoir comment former le maître, sachant que le maître est un maître qui a besoin d'un maître. Il a déjà déformé, sur le sens rousseauiste du terme. Et donc, pour Rousseau, la réponse est toute simple. Il faudra qu'il lise l'Émile. Et c'est dans l'Émile qu'il puisera en effet la substance, la substantifique moelle, qui lui permettra de concevoir l'éducation selon la nature. Donc il s'agit non pas d'un précepteur, mais d'un gouverneur. Et la distinction n'est pas totalement anodine, puisqu'il s'agit de former le cœur autant que l'esprit, c'est-à-dire former les passions autant que les idées ou les croyances. Et donc, dans l'idée de gouverneur, on a vraiment l'idée selon laquelle il faut former un homme total, c'est-à-dire un homme qui est uni, simple, prêt à surmonter les contradictions que feront naître en lui le désir et la frustration du désir. Et donc, je crois que dans l'idée de précepteur, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'une transmission de connaissances, ce qui est précisément ce que Rousseau entend éviter, puisque l'éducation n'est pas une instruction, mais une formation du caractère. Ce qu'il dit très bien dans le texte qu'on a entendu, il distingue la gouvernante du précepteur et du maître. Il dit que ces distinctions sont mal entendues. Pour être bien conduit, l'enfant ne doit suivre qu'un seul guide. Et là, c'est le terme de guide qui est employé, et au singulier. C'est-à-dire que dans le monde idéal de Rousseau, de l'éducation selon Rousseau, il y a un enfant et un guide. C'est oui, pas une classe d'enfants. Il faut réunifier l'éducation, si l'on ose dire. C'est-à-dire que Montesquieu, d'ailleurs, faisait exactement le même constat dans l'Esprit des lois. Le problème de l'Ancien Régime, c'est la division des modes d'éducation. L'enfant reçoit une éducation dans sa famille, une éducation dans le monde et une éducation éventuellement dans les collèges. Ces éducations sont en conflit les unes avec les autres, si bien que lorsque l'enfant arrive dans le monde et qu'il doit en quelque sorte épanouir ses qualités, ses vertus, eh bien, il apprend des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il avait appris auparavant. Et c'est cette dissonance, cette discordance qui fait des hommes malheureux, pervers, corrompus. C'est ce que Rousseau veut à tout prix éviter en faisant un homme simple, unifié, cohérent, qui est capable d'ordonner ses dispositions, en quelque sorte, ce qui est la condition du bonheur. Et c'est pourtant assez effrayant, entendre comme ça un homme simple, unifié, cohérent, parce qu'on a l'impression que Rousseau reproduit ce qu'il reproche à l'éducation de son temps par ailleurs, à savoir qu'on peut, même encore aujourd'hui, on peut reprocher à l'école de normer nos enfants, c'est-à-dire d'en faire finalement les produits d'une certaine éducation qui va valoriser les maths et la littérature, par exemple, au détriment d'autres disciplines plus artisanales. Ce que Rousseau propose, c'est en fait aussi quasiment un modèle, une façon d'élever ou d'éduquer un enfant qui, s'il est appliqué à plusieurs enfants, ferait qu'ils se ressembleraient tous. Il y a quelque chose d'assez effrayant là-dedans. Alors, je ne crois pas que Rousseau soit effrayé par l'idée d'une standardisation. Non, c'est moi, qu'il est loin d'ailleurs d'anticiper, parce que c'est vrai qu'il ne pense pas que ses contemporains s'efforceront d'appliquer à la lettre sa méthode. Je ne crois pas qu'il redoute en tout cas que sa méthode soit appliquée. Je crois qu'il redoute plutôt qu'elle ne le soit pas. Mais disons que il me semble que oui, Rousseau est clairement très normatif. Hein. Il est normatif dans le détail, hein, dès le livre 1, où il aborde la manière dont il faut allaiter son enfant, soi-même, hein, lorsqu'on est une bonne mère, la manière dont il faut éviter de l'emmailloter pour lui donner toute la liberté motrice dont il est alors capable. Tout fait l'objet d'une normativité qui descend jusqu'au moindre détail. Mais vous avez prononcé le mot de guide tout à l'heure. Hein. Effectivement, le gouverneur doit être un guide, comme le législateur est un guide dans le contrat social. Avec cette différence quand même importante que le législateur du contrat social vise à dénaturer l'homme pour le transformer en citoyen, tandis que le gouverneur d'Émile doit quand même respecter la nature. C'est-à-dire que le but de l'Émile, ce Émile ou de l'éducation, c'est de faire un homme heureux ou un bon citoyen ? Alors, ou est-ce que les deux sont synonymes pour Rousseau ? Alors les deux sont liés, hein, à l'évidence. Alors il faut bien préciser ce qu'on entend ici par citoyen. Parce que justement, l'Émile s'ouvre sur la dualité entre l'éducation publique, qui est associée à la cité antique, à la République, hein, qu'il a théorisée pour l'essentiel dans le contrat social, donc éducation publique d'un côté, et de l'autre, éducation domestique, qui est celle qu'Émile recevra et qui est possible dans des sociétés civiles inégalitaires, des sociétés civiles corrompues, par exemple, comme la monarchie française. Donc, Émile est un enfant fait pour vivre dans les villes, ce n'est pas un sauvage fait pour vivre dans les déserts, ni un citoyen fait pour vivre à Sparte. Donc il faut bien mesurer de quel type d'homme on parle. Le but de l'éducation dans cet esprit, c'est à la fois de faire un homme libre, la liberté est essentielle, un homme heureux et un homme vertueux. Et pour Rousseau, ces trois caractéristiques sont nécessairement corrélées entre elles. On ne peut pas être libre sans être vertueux, on ne peut pas être heureux sans être vertueux et libre. Alors encore une dernière objection, c'est l'inspecteur, et puis on va avancer dans la lecture de ce texte. Cette fois-ci, cette objection, ce n'est pas moi qui vais la faire directement, ce sont deux personnages, Aurore et Agnès, ce sont les deux personnages du feuilleton télévisé qui s'appelle Aurore et Victorien de Jean-Paul Carrère, qui était diffusé en 1975, écoutez. Dis-moi vite où tu as déniché tes beaux principes sur l'allaitement. Je te récite l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Oh, quel drôle. Tu trouves que Rousseau est un drôle ? Non, je trouve qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Si tu savais tout ce qu'il raconte, tu ne trouverais plus que c'est un drôle. Je vais te le dire, veux-tu ? Je t'écoute. Il faut que ton petit Bertrand apprenne qu'il ne doit pas faire tout ce qui lui passe par la tête. Un enfant ne doit être ni homme, ni bête, mais enfant. Il faut qu'il sente sa faiblesse, non qu'il en souffre, qu'il dépende et non qu'il obéisse, qu'il demande, qu'il commande. Oh, assez, assez, tu m'étourdis avec tes litanies. Ton Rousseau n'est qu'un hurluberlu. Et tu as pris ces belles phrases creuses par cœur. Ah, ce fatras ne signifie pas grand-chose. C'est de la poudre aux yeux pour les bourgeois. Ceux-là, du moment qu'on écorche les traditions, ils sont ravis. Alors qu'avez-vous à dire pour la défense de cette hurluberlu, c'est l'inspecteur ? Parce que finalement, l'objection elle est assez classique, c'est celle de savoir, oui, mais est-ce que ce texte vise vraiment à être appliqué ? Est-ce que ce n'est pas un texte complètement utopique, inapplicable, enfin qui friserait le ridicule si on essayait de l'appliquer à la lettre ? Alors, il faut bien prendre la mesure de ce que Rousseau entend par principe du droit politique lorsqu'il écrit le contrat social ou principe d'éducation lorsqu'il écrit l'Émile. Ce que dit Rousseau, c'est que toutes les maximes particulières d'éducation, tous les préceptes qu'il va donner, découlent d'une seule chose qui est l'expérience. J'insiste beaucoup sur cette idée d'une méthode expérimentale. Parce que faire de Rousseau un utopiste, c'est nier ce fait qu'il repose, disons toute sa théorie repose sur l'observation. Et donc en un sens, ce serait quand même lui faire un mauvais procès. C'est l'inspecteur, pardonnez-moi, mais la première phrase du contrat social, c'est commençons par écarter tous les faits. Donc qu'observe-t-il s'il écarte les faits ? Oui, dans le second discours, Rousseau veut écarter tous les faits. Dans le second discours. Mais néanmoins, ce n'est pas, en fait, bon, c'est déjà une phrase assez compliquée à interpréter, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'il fait dans l'Émile. Au contraire, il donne les faits et il essaye finalement, à partir de cette observation très minutieuse de l'enfant, de l'adolescent, de déterminer, disons, l'art pédagogique adéquat. Donc, certes, isoler l'enfant, c'est quelque chose qui pourrait paraître totalement utopique. Néanmoins, il faut savoir qu'après l'Émile, il y a eu énormément d'expérimentations pédagogiques qui ont été étudiées notamment par Christophe Martin, qui ont visé en effet à développer des dispositifs dans lesquels l'enfant pourrait être éduqué un peu à la manière d'eux. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, surtout au XVIIIe siècle, l'influence du texte a été colossale. mâle. Alors, vous avez cité un texte sur l'allaitement. Il faut savoir que Rousseau a été, en quelque sorte, lu de la cour jusqu'aux chaumières. En tout cas, s'il n'était pas lu, on diffusait sa bonne parole. Et donc, par exemple, il y a des gravures sous la Révolution qui circulent, où on voit une femme sous la statue de Rousseau qui, d'un côté, disons, prend son enfant et lui change ce qui ressemble bien à une couche, et d'autre part, lit l'Émile. Belle scène picturale qui, alors aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera encore d'actualité, je ne sais pas si les écoles de pédagogie alternative se revendiquent de rousseauiste. Est-ce qu'il y a un héritage rousseauiste dans les méthodes actuelles? Je ne sais pas. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des méthodes contemporaines, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que Rousseau a exercé une influence décisive sur de grands psychologues du développement qui ont été très attentifs au développement à la fois cognitif, affectif et moral de l'enfant. Je pense, si vous lisez le jugement moral chez l'enfant, c'est vraiment la méthode rousseauiste. Quel type de sanctions conviennent à tel type d'âge? Quel type d'idées on peut avoir effectivement à tel moment du développement? Et quel type de jugement sur le bien et le mal, le juste et l'injuste, on peut avoir en fonction de ses idées. Alors, vous évoquez la dimension morale, il nous faut avancer dans la lecture de ce texte, Céline Spector. Allons directement au livre 4. Alors, le livre 4, avant qu'on entende un extrait, c'est la puberté. Alors, oui, avec le livre 4, Rousseau introduit une rupture décisive. Jusque-là, c'est-à-dire dans les trois premiers livres, l'enfant n'a été élevé que par rapport à lui-même. Donc il a été élevé en fonction de sa seule passion dominante, qui est l'amour de soi, le désir de conservation et de bien-être. Et donc sa liberté était avant tout une liberté motrice, une liberté de mouvement, qui était la nature même de sa liberté. À partir du livre 4, tout change. La puberté, nous dit Rousseau, est une seconde naissance. Jusqu'alors, l'enfant n'avait fait qu'exister. Désormais, il va pouvoir vivre. Et c'est le désir, qui est à l'origine un désir sexuel, qui va en quelque sorte lui donner cette nouvelle vie et qui va permettre à la morale de trouver des leviers dans le cœur humain. Ce qui est tout à fait fascinant dans ce texte de Rousseau, c'est qu'il propose une théorie de l'énergie passionnelle, l'énergie passionnelle qui est intimement liée au désir et qui va fournir le levier de l'amitié, de l'amour, qui sont les deux grandes passions fondatrices de l'éducation morale. Et qui découlent directement d'une étude, d'une observation à la fois d'abord de l'anatomie de l'enfant, puis de son développement, de sa croissance, disons, d'abord purement physique, et puis ensuite même au niveau du jugement, on l'a vu, c'est le moment où l'éducation commence à s'intéresser au jugement et plus simplement à la manière dont on reçoit les choses. Et enfin, livre 4, vous avez dit l'amour, l'amitié, mais c'est aussi comment est-ce que les idées se mettent en place en réalité. On est là dans une analyse qui est beaucoup plus intellectuelle qu'avant. Oui, alors il faut articuler bien dans l'Émile, c'est l'un des points forts de Rousseau, la dimension épistémique et la dimension morale. Ou la dimension, épistémique liée au savoir. Voilà, liée au savoir et la dimension liée aux passions et par conséquent à la morale. Dans les premiers livres, à partir du livre 2, Rousseau nous parle de l'existence d'une raison puérile ou d'une raison sensitive, c'est-à-dire l'enfant n'a au départ que des sensations et progressivement des idées simples liées à un jugement qui compare. Donc petit à petit, il va acquérir les idées des qualités des choses et il va les acquérir d'autant mieux qu'il manipule les objets, que son corps est en mouvement. Rousseau a une définition de la raison assez extraordinaire comme surabondance d'énergie. La raison, c'est ce qui apparaît avec la surabondance d'énergie au moment où on doit en quelque sorte coordonner les mouvements du corps. Donc c'est d'abord en tant que, on pourrait dire, proprioception que la raison apparaît. Petit à petit, cette raison puérile ou sensitive se développe. L'enfant va acquérir, mais très lentement, une capacité de généralisation. Il ne sera capable d'arriver à des idées abstraites que beaucoup plus tard, au moment de l'adolescence, raison pour laquelle, et c'était extrêmement scandaleux à l'époque, il n'y a pas d'éducation morale, sous forme de sermons, de catéchisme, ni d'éducation religieuse avant l'adolescence. Et même lorsque cette éducation intervient, elle n'a rien justement d'une éducation par leçon. Rousseau évite à tout prix que l'éducation se fasse par leçon, par parole, par sermon, par dicton. Il va concevoir une éducation, on pourrait dire, par des dispositifs. Alors voilà comment, après l'apprentissage des sensations, se constitue la bonne formation des idées qui va donner un caractère à l'esprit humain. Notre enfant sent plus que jamais la nécessité qu'il attache aux choses. Après avoir commencé par exercer son corps et ses sens, nous avons exercé son esprit et son jugement. Enfin, nous avons réuni l'usage de ses membres à celui de ses facultés. Nous avons fait un être agissant et pensant. Il ne nous reste plus, pour achever l'homme, que de faire un être aimant et sensible, c'est-à-dire de perfectionner la raison par le sentiment. Mais avant d'entrer dans ce nouvel ordre de choses, jetons les yeux sur celui d'où nous sortons et voyons, le plus exactement qu'il est possible, jusqu'où nous sommes parvenus. Notre élève n'avait d'abord que des sensations. Maintenant, il a des idées. Il ne faisait que sentir, maintenant il juge. Car de la comparaison de plusieurs sensations successives ou simultanées et du jugement qu'on emporte, naît une sorte de sensation mixte ou complexe que j'appelle idée. La manière de former les idées est ce qui donne un caractère à l'esprit humain. L'esprit qui ne forme ses idées que sur des rapports réels est un esprit solide. Celui qui se contente des rapports apparents est un esprit superficiel. Celui qui voit les rapports tels qu'ils sont est un esprit juste. Celui qui les apprécie mal est un esprit faux. Celui qui controuve des rapports imaginaires qui n'ont ni réalité ni apparence est un fou. Celui qui ne compare point est un imbécile. L'aptitude plus ou moins grande à comparer des idées et à trouver des rapports est ce qui fait dans les hommes le plus ou le moins d'esprit, etc. Les idées simples ne sont que des sensations comparées. Il y a des jugements dans les simples sensations aussi bien que dans les sensations complexes, que j'appelle aussi idées simples. Dans la sensation, le jugement est purement passif. Il affirme qu'on sent ce qu'on sent. Dans la perception, ou idée, le jugement est actif. Il rapproche, il compare, il détermine des rapports que le sens ne détermine pas. Voilà toute la différence, mais elle est grande. Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de l'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui dans le cadre de cette série d'émissions sur une autre école est-elle possible? C'est la question que nous nous posons chaque jour. Aujourd'hui, nous répondons oui avec Rousseau, oui, mais à quelles conditions? Dans le texte que l'on vient d'entendre, les premières phrases, hein, nous voici revenus à nous-mêmes. C'est donc que nous en étions éloignés, le temps d'explorer cette formation qui arrive au moment de l'enfance, dans ce texte, avec cette phrase de fin que j'ai lue, « Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons ». On voit ici comment Rousseau décrit le passage d'un état de sensation à vraiment à l'advenu de la raison. C'est très étrange chez l'inspecteur, on a l'impression que bah, jusqu'à l'âge de 15 ans, l'enfant n'avait pas d'idée et que tout d'un coup, la raison surgit. Oui, alors à ceci près que ça n'est pas tout à fait tout d'un coup, puisque justement l'Émile suit pas à pas hein, le développement graduel, progressif, des facultés, ou plus précisément des opérations de l'esprit, parce qu'il n'y a pas chez Rousseau, comme on pouvait en trouver par exemple chez Malebranche, de théorie des facultés. Hein. Il ne s'agit pas d'une théorie des facultés de l'esprit, mais plutôt d'une réflexion sur la genèse des idées, ce que Condillac, avant Rousseau, appelait précisément La métaphysique, c'est la théorie du développement des idées, du passage des idées simples aux idées complexes, en quoi Rousseau est un empiriste. Il dialogue constamment avec Condillac, hein, qui est l'un de ceux qui a le plus formé sa pensée. Et Condillac, en France, c'est le grand disciple de Locke. Hein, on pourrait dire que c'est lui qui a diffusé, raffiné la théorie lockienne. Rousseau s'inscrit dans ce courant empiriste, c'est-à-dire qu'il essaye de penser comment on acquiert progressivement des idées abstraites, des idées complexes, alors que nous n'avons au départ que des sensations. Alors je voudrais revenir au texte que vous avez lu, qui est un jeu très subtil avec beaucoup d'auteurs de l'histoire de la philosophie, notamment avec Descartes, hein, puisqu'il s'agit d'expliquer l'erreur. Descartes attribuait l'erreur au décalage entre la volonté infinie et l'entendement fini. Rousseau, lui, attribue l'erreur au fait que, finalement, ce n'est pas la volonté infinie qui nous trompe, mais plutôt notre jugement en tant qu'il est actif et en tant qu'il est irréductible à des sensations passives. Et en cela, il s'oppose à tout un courant matérialiste comme Lamétrie, mais aussi à Helvétius, hein, Helvétius qui est vraiment l'objet de sa critique directe au livre 4 d'Émile. Il s'oppose à Helvétius qui prétendait que juger, c'est sentir. Or, Rousseau nous dit non, juger, ce n'est pas sentir. Le jugement est irréductible à la sensation. Il y a une part d'activité, il y a une forme de, voilà, de synthèse active, on pourrait dire en termes un peu kantiens. Il y a un sujet de la perception qui introduit une forme de liaison entre, voilà, les différentes sensations qui sont mises en rapport ou les idées qui sont mises en rapport. Et donc, c'est cette dimension d'activité qui est le cœur de la subjectivité. Et quand il dit que c'est jamais la nature qui se trompe, mais c'est toujours nous qui nous trompons, il identifie, il assigne l'erreur à l'être humain. C'est-à-dire que ça veut vraiment dire qu'il n'y a d'erreur que de jugement. En cela, il est d'ailleurs plus proche de Platon que de Descartes. Alors la comparaison avec Platon est assez complexe, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Platon est un des grands modèles de Rousseau dans l'Émile. Il dit qu'à ses yeux, la République, ça n'est pas un traité de politique, c'est l'un des plus beaux traités d'éducation qui soit. Donc, d'éducation. D'éducation. Donc Rousseau considère en effet que la République est un immense traité d'éducation, et c'est en un sens avec Platon qu'il rivalise dans l'Émile, plus qu'avec ses contemporains pédagogues qu'il méprise, comme Crousard ou Rollin et bien d'autres. Donc... Du point de vue de la théorie des idées, ce n'est cependant pas Platon qui est son interlocuteur privilégié, parce que, évidemment, la théorie des formes est, disons en quelque sorte, aux antipodes de l'empirisme rousseauiste. Donc, du point de vue de Rousseau, l'idée n'est pas une forme. L'idée se forme, c'est-à-dire dans un processus génétique, à partir de la sensation qui, en quelque sorte, par comparaison, se complexifie, d'où apparaissent des idées qui deviendront petit à petit plus abstraites, jusqu'à l'idée de Dieu, qui est la plus abstraite de toutes. Et d'ailleurs, dans Émile ou de l'éducation, on trouve un passage qui est la profession de foi du vicaire savoyard, dans lequel, justement, il réfléchit sur l'origine de cette idée même de Dieu. Est-ce qu'il faut parler de religion naturelle? D'où vient l'idée de foi? Autant de questions qu'il pose directement. Il est difficile de savoir ici quel est le rôle exact du gouverneur ici. Est-ce que c'est lui qui va faire advenir de manière logique et cohérente les idées dans le cerveau d'Émile? On ne sait pas trop. Alors, bon, c'est une question très délicate. Rousseau n'est pas tout à fait le vicaire savoyard, mais il utilise une mise en scène tout à fait magnifique, pour faire advenir l'éducation morale et en un sens aussi l'éducation religieuse d'Émile, qui va en quelque sorte être avoir une sorte de révélation, l'épiphanie de la conscience et corrélativement l'idée de Dieu. Alors, ce dispositif, c'est très intéressant, intervient comme une rupture dans la genèse des idées, une sorte de saut, de bond. Alors, il faut être attentif au registre rhétorique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, Émile a des idées de plus en plus abstraites, il sait de mieux en mieux juger, il est passé de la raison puérile ou sensitive à une raison intellectuelle, mais il y a une limite à ce processus d'abstraction croissant qui permet de passer de l'idée de matière à l'idée d'esprit. Et cette limite, on pourrait dire, c'est l'infini, ou c'est Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sans rupture, de l'idée d'esprit à l'idée d'esprit infini, à l'idée de divinité. C'est quelque chose qui, pour Rousseau, finalement, ne peut pas se faire de manière graduelle. D'où la mise en scène de la profession de foi, qui change le registre théorique en quelque sorte, et qui permet de faire advenir un autre discours, une autre voix, celle du vicaire savoyard, qui va en quelque sorte réfuter le matérialisme, réfuter aussi le sensualisme d'Helvétius, et qui va affirmer l'existence d'une âme, puisque notre jugement est actif, cela signifie que nous avons une âme, qui va affirmer l'existence du libre arbitre, qui va affirmer aussi l'existence d'une divinité rétributrice. Voilà, donc un certain nombre de postulats, d'articles de foi que Kant nommera postulat de la raison pratique. Alors on a vu comment des sensations pouvaient naître, alors là est-ce une différence de degré ou de nature, mais la raison, le raisonnement, les jugements qui permettent une certaine fabrication des idées dont la manière dont elles entrent en contact les unes avec les autres produit différents types d'esprits. Comment Rousseau aborde par l'intermédiaire du vicaire savoyard la question de l'origine de la foi, de l'idée même de Dieu. Il nous reste à aborder la question décisive chez Rousseau. Vous avez parlé de liberté très tôt dans notre discussion, mais il faut quand même aborder la question de la morale. Comment les idées du bien et du mal, comment le sens moral, y a-t-il même un sens moral, survient et quand dans l'éducation de cet Émile, l'inspecteur? Oui. C'est en un sens la question cruciale que pose Rousseau dans l'Émile, parce que l'Émile, c'est avant tout un livre de philosophie morale. Alors, ce qui est tout à fait passionnant dans le développement de Rousseau, c'est qu'il refuse l'éducation morale avant l'adolescence. Donc, ni leçon ni sermon, il faut absolument éviter toute leçon de morale, parce que l'enfant est incapable d'accéder aux idées abstraites du bien et du mal, du juste et de l'injuste à cet âge-là. Donc il faut seulement le préserver dans son amour de soi, hein, et finalement il ne peut accéder à cet âge-là qu'à certains devoirs plus ou moins envers soi-même ou à l'idée du respect de la propriété, bon, à l'issue d'une petite scénette. Mais ce qui est important, c'est que à partir de la puberté, l'enfant va se trouver, ou plutôt l'adolescent, va se trouver tourné vers l'altérité, hein, par la nature même de son désir. Et à ce moment-là, l'éducation morale devient indispensable. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme dit Rousseau, donner le change aux passions, faire jouer l'imagination, pour que l'enfant ne se corrompe pas, hein, pour qu'il ne se pervertisse pas. Et l'éducation morale devient alors une éducation par des dispositifs, par des tableaux, mais aussi par des maximes qui forment finalement les passions de l'adolescent pour éviter que l'amour de soi, par exemple, se corrompe en amour propre. Donc le but de l'éducation morale, c'est avant tout de faire en sorte que la sensibilité morale de l'enfant, de l'adolescent plutôt, puisse être une sensibilité expansive. C'est-à-dire finalement que l'adolescent puisse être ouvert finalement à l'altérité, qu'il ne soit pas nourri par des passions haineuses, envieuses, irascibles, qu'il nourrisse plutôt des passions que Rousseau qualifie d'aimantes et bienveillantes. Donc il ne s'agit pas évidemment d'un combat entre la raison et les passions, hein. Vous avez évoqué cette magnifique formule « perfectionner la raison par le sentiment ». Rousseau considère que la raison est au service finalement de la sensibilité morale et que la sensibilité morale se développera naturellement, spontanément, dès lors que on la mettra dans des circonstances favorables. D'où les mises en scène, les tableaux vivants que le gouverneur n'a de cesse de présenter à Émile. Par exemple, dès qu'il sera adolescent, on l'emmènera dans des hôpitaux, voir des gens qui souffrent, l'humanité souffrante. Hein, voilà, les tableaux de l'humanité souffrante seront au cœur de l'éducation pour aviver sa pitié, qui évidemment est une passion essentielle au développement moral. Ou alors, disons, on le mettra dans des situations où il aura effectivement à exprimer sa sensibilité active. Donc dans tous les cas, le but est finalement de transformer l'amour de soi en amour de l'humanité. Et la vertu, la justice, ce n'est rien d'autre que l'amour de l'humanité. Alors toute la question est de savoir si cette vertu, qu'est la justice, mais aussi la pitié, si elles sont naturelles, alors pourquoi est-ce qu'elles n'adviennent pas au cœur de d'Émile avant l'âge de 15 ans? Je vous propose, moi aussi, une espèce de mise en scène, de petit tableau. C'est un extrait de film, en réalité, mais qui met en scène, justement, l'interrogation d'un professeur, d'un docteur, face un jeune enfant qu'on appelle enfant sauvage, qui a vécu toute son enfance, une dizaine d'années, on imagine, on n'arrive pas très bien à quantifier le nombre d'années qu'il a passé dans la forêt seul, qui ne sait pas parler. Et le docteur se demande si cet enfant, qui n'est pas donc pas doté de langage, est capable de ressentir le sentiment d'injustice. En d'autres termes, est-ce que cet enfant sauvage peut avoir un comportement moral? Écoutez cet extrait, c'est évidemment le film de François Truffaut, L'enfant sauvage. Lorsque Victor réussit quelque chose, je le récompense, et lorsqu'il rate, je le punis. Pourtant, je n'ai pas la preuve certaine de lui avoir inspiré le sentiment intérieur de la justice. Il m'obéit et se corrige par la crainte ou l'espoir d'être récompensé, et non par le sentiment désintéressé de l'ordre moral. Pour éclaircir ce doute et obtenir un résultat moins équivoque, je vais être obligé de faire quelque chose d'abominable. Je vais mettre le cœur de Victor à l'épreuve d'une injustice flagrante en le punissant sans raison, justement après un exercice simple qu'il aura réussi sous mes yeux. En le conduisant, éventuellement de force, vers le cabinet noir, je lui administrerai un châtiment aussi odieux que révoltant, afin de voir si, justement, il aura la réaction de se révolter. Victor, livre, clé. Livre, clé. Allez, va. Qu'est-ce que c'est que ça, Victor? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux? Allez, cabinet noir. Allez, Victor. Allez. Allez. Allez, Victor. Allez. Allez. Aïe. Qu'il m'eût été doux en ce moment de pouvoir me faire entendre de mon élève, de lui dire jusqu'à quel point la douleur même de sa morsure remplissait mon âme de satisfaction. Pouvais-je me réjouir faiblement? J'avais la preuve incontestable que le sentiment du juste et de l'injuste n'était plus étranger au cœur de Victor. En lui donnant ce sentiment, ou plutôt en le provoquant, je venais d'élever l'homme sauvage à toute la hauteur de l'homme moral, par le plus tranché de ses caractères et la plus noble de ses attributions. Nous entrons enfin dans l'ordre moral. Nous venons de faire un second pas d'homme. Si c'en était ici le lieu, j'essaierais de montrer comment des premiers mouvements du cœur s'élèvent les premières voix de la conscience, et comment des sentiments d'amour et de haine naissent les premières notions du bien et du mal. Je ferais voir que justice et bonté ne sont point seulement des mots abstraits, de purs êtres moraux formés par l'entendement, mais de véritables affections de l'âme éclairées par la raison, et qui ne sont qu'un progrès ordonné de nos affections primitives, que par la raison seule, indépendamment de la conscience, on ne peut établir aucune loi naturelle, et que tout le droit de la nature n'est qu'une chimère s'il n'est fondé sur un besoin naturel au cœur humain. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, de l'Émile ou de l'éducation de Rousseau, qui date de 1762, à l'enfant sauvage de Truffaut, 1970. On retrouve les mêmes problématiques, Céline Spector. Comment entre-t-on dans l'ordre moral? C'est Rousseau qui l'écrit. L'expérience que fait le docteur ou le précepteur face à Victor est assez emblématique et assez rousseauiste en termes vraiment expérimental. Il veut savoir si cet enfant dit sauvage a un sentiment de justice et d'injustice, et il est empli de bonheur lorsqu'il se fait mordre par Victor parce qu'il réalise que c'est l'expression de son sentiment d'injustice. Chez Rousseau, ça veut dire que ce qu'on appelle la morale a une origine, se situe dans le cœur, a une origine quasiment sensible. Absolument, c'est exactement ça. Et le docteur Itard applique disons, les idées de Rousseau, en ceci que dans l'Émile, Rousseau raconte l'anecdote d'un nourrisson qui s'offense et qui pleure de manière absolument outrée, on pourrait dire, lorsque sa nourrice lui inflige un châtiment non mérité. Donc on a exactement le même schème dans l'Émile. Et pour Rousseau, il est clair, comme il le dit, que le sentiment du juste et de l'injuste est inné, dans le sens où il est présent dans le cœur humain. Mais il est présent de manière embryonnaire. C'est ça toute la question et toute la difficulté d'une pensée de l'innéité morale qui n'est pas une pensée de la vérité des idées innées en morale. Rousseau est lockien, il est empiriste, il ne peut pas considérer que nous naissons avec une loi morale, une loi naturelle qui serait gravée dans notre esprit ou dans notre cœur. Et donc, il faut penser l'innéité sur un autre mode. L'innéité d'une disposition, d'une inclination qui ne se développe qu'à mesure que la raison fournit en quelque sorte des idées au sentiment. Et donc, le cœur de la philosophie morale de Rousseau, c'est l'articulation entre deux instances. D'un côté, la conscience, c'est-à-dire l'amour du beau moral, un instinct qui pour Rousseau est infaillible, qui découvre infailliblement le bien et le mal, le juste et l'injuste, donc un instinct moral d'un côté, et de l'autre la raison qui éclaire la conscience, qui fournit en quelque sorte les idées sans lesquelles la conscience resterait en quelque sorte aveugle. Donc la conscience ne peut apparaître qu'au moment de l'adolescence, et ce pour un certain nombre de raisons. Des raisons qu'on pourrait dire cognitives, c'est à ce moment-là que l'adolescent est capable d'avoir les idées de bien et de mal qui sont abstraites, mais surtout au fond pour des raisons affectives. Parce que c'est à ce moment-là que précisément, dans le rapport à l'autre, dans la relation à l'altérité, la morale apparaît. La morale apparaît comme une émanation du désir et comme une émanation de la sensibilité. C'est ça la force de la théorie rousseauiste qui est très originale. Ça c'est évident, très original, la force, mais aussi peut-être le danger, parce qu'il est quand même assez dangereux justement d'indexer la morale sur l'instinct et sur le désir, parce que rien n'est moins fiable et rien n'est plus surprenant que les fluctuations du désir et de l'instinct. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, disons. La conscience ne naît pas du désir. Elle est en elle-même amour du beau moral et elle est censée réguler justement le désir. Mm-hmm. Mais elle apparaît au moment où le désir apparaît, précisément pour le réguler et en un sens pour éviter que le désir se porte peut-être indifféremment sur différents objets. Donc toute la stratégie de l'éducateur, du gouverneur, consiste à essayer d'utiliser l'énergie du désir en finalement donnant une pente à l'imagination qui oriente ce désir d'une manière souhaitable. Et donc c'est là toute la difficulté, d'où les tableaux, d'où les mises en scène, d'où les dispositifs, c'est-à-dire ce que Rousseau appelle les leçons de choses, puisqu'au fond, on ne peut qu'orienter l'imagination, on ne peut que donner une pente à l'imagination pour éduquer la sensibilité. Mais il faut dévaler cette pente, c'est l'inspecteur, parce qu'il nous reste 2 minutes 30 pour évoquer la rencontre entre Émile et Sophie. Car oui, il va finir un jour par rencontrer une personne du sexe opposé. Ce sera l'occasion pour Rousseau de donner libre cours à beaucoup de remarques qui seront jugées aujourd'hui sexistes, évidemment, puisqu'il dit que la femme, à bien des égards, n'est pas vraiment l'égale de l'homme, mais qu'à d'autres, dans une autre perspective, au contraire, elle lui est supérieure. En tout cas, quand Émile rencontre Sophie, il est absolument mûr, c'est-à-dire que tout est fait finalement pour que cette rencontre se passe le mieux possible. Il va même ensuite suivre une petite formation pour revenir à Sophie en tant que citoyen. Oui, alors bon, il faudrait beaucoup plus de temps pour détailler hein, tous les préparatifs à cette rencontre, la manière dont Rousseau joue du temps. Hein. Il y a des différés, il y a des accélérations, il y a toutes sortes. Voilà, ça fait le sel même du roman. Ça fait le sel du roman. Il y a des voyages, on revient après le sacrifice, etc. Mais ce qui est important du point de vue de l'éducation morale, c'est que Rousseau distingue finalement deux fonctions dans la morale expérimentale. La morale expérimentale qu'il théorise lui-même a pour objectif avant tout de découvrir les lois du cœur, hein, ce que j'ai appelé les levier du cœur humain, donc on jouera sur l'amitié, sur l'amour, sur la gratitude, hein, la reconnaissance. C'est là-dessus qu'on peut jouer dans l'éducation morale. Et ce qui est important, c'est que la morale expérimentale en tant que science, en tant que philosophie, eh bien, elle est découverte conjointement, selon Rousseau, par l'homme et par la femme. C'est-à-dire qu'au fond, la femme observe et l'homme théorise, pour le dire vite. Hein. La femme voit, elle a le sens de l'observation, du tact, du goût, elle sait ce qui se passe. Et l'homme, à partir de là, peut en quelque sorte réduire en système, hein, nous dit Rousseau, réduire en principe les observations que la femme lui a fournies. Je préfère insister sur cet aspect-là qu'en effet sur certaines ça revient quand même à dire que un peu vieillies. La femme est sensible et que l'homme raisonne hein, quand même. C'est tout à fait ça. On peut pas le nier, mais ce que je voudrais quand même préciser, c'est qu'il n'y a pas de valorisation de la spéculation comme telle ou de la philosophie comme telle. Rousseau n'a de cesse de dénoncer les philosophes. Enfin, c'est un anti-philosophe. Ce n'est pas le moindre de ses paradoxes. C'est un anti-philosophe comme on a cessé de lui reprocher, parce qu'il a, entre guillemets, trahi ses amis, hein, il faut quand même le dire. Et de ce point de vue-là, c'est un anti-philosophe, donc il ne valorise pas la spéculation comme telle. Et donc, en ce sens, la femme qui, avec son goût, son tact, est observatrice, a une dignité, entre guillemets, égale dans le processus théorique, à l'homme qui théorise et systématise les observations qu'elle lui a procurées. On va se quitter avec une dernière phrase, Céline Spector, une phrase que j'aimerais déposer dans l'esprit de nos auditeurs. Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de toute l'éducation ? Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. La fameuse bataille d'Arcole, ainsi que l'anatomie du corps et puis de l'esprit. J'ai appris aussi vaguement l'histoire d'Ève et d'Adam. C'est d'accord, mais côté éducation, relative aux relations d'une fille et d'un garçon, j'aime la moindre allusion, non, non. Aucun petit détail sur la question. Jouer du piano, maman m'a montré comment faire une tente ou un flan. Elle m'a fait apprendre aussi l'algèbre et la comédie. C'est d'accord, mais côté éducation, relative aux relations d'une fille et d'un garçon, j'aime la moindre allusion. Non, non, à quoi que maman Et oui, à croire que maman ignore la question, c'est Aline qui le chante et c'est une question qu'on n'ignore pas du tout et qu'Émile Rousseau n'ignore pas du tout, mais on a à peine eu le temps de l'évoquer, c'est l'inspecteur. Invitons donc les lecteurs, les auditeurs à lire le chapitre, le livre 5 de l'Émile pour voir comment se passe cette rencontre. C'est, vous l'avez dit, une vraie mise en scène, c'est quasiment romanesque. Tout à fait romanesque. Un grand merci à vous d'être venu nous en parler aujourd'hui en tout cas. C'est toujours un plaisir de vous recevoir au micro des Chemins de la Philosophie. Je renvoie à la lecture de votre dernier livre sur Rousseau, Rousseau et la critique de l'économie politique aux presses universitaires de Bordeaux. À part cela, il ne sait rien de rien. Mais s'il ignore l'anatomie, l'histoire de France, la comédie et le restant, moi je m'en moque. Sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, il est l'heure comme tous les jours de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Eh bien, je suis ravie, Adèle, de parler de la parution en chant Flammarion de l'ouvrage de Paulin Ismar. C'est l'événement Socrate, d'abord sorti en 2013. Alors oui, il ne s'agit pas d'un essai de philosophie, mais d'histoire. Mais il y est bien question à travers l'événement historique du procès de Socrate, accusé en 399 avant Jésus-Christ d'impiété, de la condamnation du savoir par la cité athénienne. De quoi évoquer les rapports pas si évidents entre démocratie et philosophie, comme l'a expliqué Paulin Ismar lui-même au téléphone. Nous, naturellement, à 25 siècles de distance, on a spontanément tendance à imaginer que la démocratie et la philosophie ont partie liée, ou en tout cas que la philosophie n'a pu s'épanouir que dans le cadre qui était celui de la parole libre propre au régime démocratique athénien au 5e siècle. Mais penser les choses de cette manière, c'est en réalité ne pas mesurer que, à l'origine, la philosophie s'est construite en grande partie contre le régime démocratique et en rupture avec le régime démocratique. Et c'est vraiment le procès de Socrate qui incarne cette rupture, ou qui incarne en tout cas un geste de dissidence radicale de la part de Socrate, de celui que Cicéron présentera ensuite comme le père de la philosophie, à l'égard du régime démocratique. Donc au contraire, il y a plutôt une rupture fondatrice entre démocratie et philosophie. Mais voilà, pour comprendre cette rupture fondatrice, il ne faut pas s'en tenir à la seule condamnation de Socrate par la cité athénienne. Il faut revenir à la position de Socrate lui-même face à la démocratie, au procès qu'il a d'abord initié à son égard. Alors, que reprochait-il de son côté au moins mauvais ou au pire pour certains des régimes ? Si on prend l'ensemble de la philosophie politique socratique telle qu'on peut la reconstituer à travers ce qu'en dit Platon, mais aussi ce qu'en disent ses autres disciples, et notamment Xénophon, qui est vraiment un personnage extrêmement important, tout ça atteste qu'il y a bien une critique radicale de la démocratie par Socrate, l'enjeu essentiel étant le statut du savoir en régime démocratique. Le régime démocratique, pour Socrate et ses disciples, c'est le régime qui n'accorde pas au savoir en général et à ceux qui le détiennent, qui en font profession, la place qui devrait leur revenir dans la cité. La grande majorité des disciples de Socrate ont été des adversaires radicaux du régime démocratique et ont tenté de le renverser à la fin du 5e siècle. À la fin du 5e siècle, en 411, puis surtout en 404-403, il y a deux tentatives de renversement oligarchique, avec deux régimes, en 411 puis en 404-403, qui s'établissent après un coup d'État contre le régime démocratique. Et ceux qui sont à la tête de ces révolutions oligarchiques sont à chaque fois des disciples très proches de Socrate. Et il est clair que pour les Athéniens qui jugent Socrate en 399, il y a une proximité très nette entre Socrate et ses clans oligarchiques. Ce qui est en jeu dans le procès de Socrate, c'est donc la place faite au savoir dans la démocratie et on pourrait dire à la philosophie dans la cité, quelle place, mais aussi quel type de savoir et surtout de quelle manière le transmettre. Et c'est bien de quoi on accusait Socrate du côté d'Athènes ou cette manière de corrompre la jeunesse. Il y a bien une spécificité de la pédagogie socratique et elle tient d'abord à la gratuité de l'enseignement et la gratuité de cet enseignement lui permet... est au cœur d'une façon du pacte tout à fait particulier qu'il noue avec ses disciples et qui le place dans une position de type charismatique qui fait de lui un bienfaiteur généreux, nouant une relation de dette infinie avec ses disciples, qui est aussi à l'origine de tout ce que la littérature socratique va développer autour de l'érotisme pédagogique socratique. Bon, et tout ça, c'est évident que ça a infiniment troublé les Athéniens. Socrate, corrupteur de la jeunesse, philosophe impie, trop charismatique, révélateur du politique athénien dans le fonctionnement de sa justice, dans son rapport aux dieux et bien sûr dans sa vision du savoir. De quoi l'événement Socrate, l'affaire Socrate a-t-elle été au final le procès, reprise et relue à travers les siècles ? Eh bien, c'est le sens de ce livre passionnant et c'est à découvrir aux éditions Champ Flammarion. Passionnant, Géraldine. Rappelez-nous le titre du livre. L'événement Socrate, tout simplement, et c'est de Paulin Ismar. C'est noté, merci à vous. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du journal de la philo. Merci à Pauline Vermeren qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosnat, sa voix bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine et Élise Leu qui est à la prise de son aujourd'hui. À demain pour la suite de notre série sur une autre école. Une autre école est-elle possible? C'est la question que nous nous posons tous les jours. Demain, je recevrai Martin Fortier pour vous parler d'une société sans école, le livre d'Ivan Illich qui contient bien plus que le titre, vous verrez. D'ici là, rendez-vous aussi sur nos pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires, sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations bibliographiques, cinématographiques et musicales concernant l'émission du jour, et vous pourrez également réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, avant de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À demain, 10h donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.